Bonjour, bonsoir. Eh bien voilà, une nouvelle, toute nouvelle émission, la 783e. Alors, dans cette émission, j'aime autant vous prévenir tout de suite, et oui, j'ai eu quelques doléances il y a quelques jours de Gisèle. Oui, Gisèle, c'est une fidèle auditrice qui habite du côté de Franklin. Et voilà, qu'elle trouve que, voilà, c'est plus comme avant. Bon, alors, je ne sais pas trop comment que c'était avant, mais si Gisèle dit que ce n'est plus comme avant, c'est que ce n'est plus comme avant. Alors, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, allez hop, on va remanier tout ça et on va essayer de sortir quelque chose de pas mal. Alors, dans cette émission, vous retrouverez Hubert Ledan, Éric Colomb, Arlette parfois. Et puis, vous trouverez aussi ces chansons françaises de légende. Vous savez, celles que écoutaient avec beaucoup d'intérêt nos grands-mères et nos grands-pères. Et que nous avons aussi, quelque part, un tout petit peu caressées. Voilà. Vous êtes prévenus. Gisèle est prévenue. Elle aura peut-être chaussure à son pied dans cette émission, bien sûr. Oh, je sais, il y en a d'autres qui diront que bon, c'est pour les vieux. Bon, tant pis. Tant pis. Tant pis, on va essayer de jouer sur les deux et on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà. Allez, rendez-vous avec vous. C'est une émission que je vous propose le mercredi, le dimanche et le lundi. Et nous allons commencer cette 783e par ceci. Je vous laisse, mais je vous retrouve tout de suite après. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton pauvre amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Comme tout s'oublie, alors prends ma main. Viens, viens sur la montagne. Là-haut, il fait si beau. La montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de torrents glissant au cœur des forêts, viens avec moi, viens. On n'y voit pas amis seront les fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Des yeux tendres me font voir qu'à toi seul je tiens. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien, prends ma main. Viens et suis-moi, je connais bien le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens. Le ton est donné et c'est parti. On est bien ensemble et on est bien dans cette émission. Hein? Vous ne croyez pas? Ah, eh bien, Gisèle va pas tarder d'appeler. Je le sais, je la connais. J'étais berger, je courais dans la montagne. J'avais pied léger pour rejoindre ma compagne. Quand j'étais berger pour cueillir un édelweiss, je n'avais qu'à me baisser et à faire un simple geste. Berger, j'escaladais la montagne, sa cime enneigée, c'était mon mât de cocagne. Quand j'étais berger, j'avais comme vin de messe, du lait frais et parfumé, j'en ai le goût qui me reste. J'irai revoir ma montagne. J'étais son berger, comme elle était ma compagne. Je serais béni si jamais un édelweiss venait un jour m'accuser d'avoir retourné ma veste. On va rester dans ces montagnes que nous aimons tant. On va faire un tout petit tour. Nous restons plutôt du côté de Franklin. Un petit coucou, oui, un gros coucou même, je dirais. Oui, un gros coucou à Dudu et à Zozo. Voilà, le petit chalet. Eh oui, le petit chalet. C'est pour vous les deux amoureux. Oui, écoutez. Dans la vieille écurie, tous les murs sont meurtris par le fumier vieilli. Plus de vaches à l'étable pour manger le refoin. Les crèches sont vidées et les liens sont rouillés. L'abreuvoir en mélèze, noirci avec le temps, se fond dans le murget. Alors mon cœur se serre, pensant que jamais plus ne mettra son museau un génisson bien dru. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, par ce refrain, je suis à tes côtés. La cognée du grand-père, autrefois respectée, traîne dans la poussière. Son vieux manche fendu, desséché par le temps, ne tient plus dans son œil, désormais bien trop grand. une serpe ébréchée, une scie détendue, entassée dans un coin. Vieux outils patinés par la sueur des mains, émouvant souvenir d'un passé révolu. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, par ce refrain, je suis à tes côtés. Assis sur le vieux banc, juste là, sous le toit, je revois le grand pré. Le râteau qui fanait, l'odeur du foin coupé, le mulet attendait la dernière lugée. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle parle du passé, de nos veillées d'antan, des chansons d'autrefois, oubliées par le temps. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet, par ce refrain, je suis à tes côtés. J'ai laissé mon carnet près de la grande école où la cloche ne sonne plus. Mais les petits carreaux des feuillets qui s'envolent sont remplis d'un message dédié à l'inconnu. J'ai laissé mon bonheur près de ce vieux chalet qui m'attendra toujours. J'y laisse aussi mon cœur pour qu'un peu tous les jours, une fleur du présent y laisse un grain d'amour. Et si la vie moderne devait trop me blesser, chalet, ton toit de lose saurait me protéger. Ah, bon, on va quitter momentanément nos montagnes pour aller faire un petit tour dans la capitale. L'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. La fleur si belle, notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris. Ses couleurs, bleu, blanc, rouge. Avec l'espoir, elle a fleuri. C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout. Car c'est la fleur du retour, oh. Du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Paris.

bientôt sous les tonnelles comme de tourterelles. Ah, ce que la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. Amis pour bien vivre aujourd'hui notre philosophie. Pas belle la vie. Ben, si c'est fini, eh bien ça recommence parce que l'amour c'est un boléro. Bien voilà, un amour de boléro. Et si on écoutait, je suis sûr que vous êtes un peu comme moi. Parfois, vous avez un peu ce qu'on appelle le bourdon. Hein? Un peu le bourdon. Et quand on a le bourdon, on dit quoi? Eh bien, bien souvent, c'est quand on est loin de chez soi et que les souvenirs reviennent en mémoire. Et on se dit que finalement, on a bien le mal du pays. Au-delà des montagnes, aux bleuâtres couleurs, il est d'autres d'autres campagnes, d'autres bois, d'autres fleurs. Il est sous le feuillage, paisiblement assis. Un modeste village, là se trouve mon pays. Olé. Des parfums d'aubépines se mêlant à l'air pur. L'onde qui la partage baigne ses prés fleuris. Là se trouve mon village, là se trouve mon pays. Sur un toit de gazon, au pied la croix ombrage, les aïeux endormis. Là se trouve mon village, là se trouve mon pays. Olé. Petit royaume, je goûtais le bonheur. Ces quelques toits de chaume suffisaient à mon cœur. Sur ce lointain rivage, je souffrais me languis. Rendez-moi mon village, rendez-moi mon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et oui, on vous remercie bien évidemment d'écouter cette radio locale, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Je sais que vous êtes nombreuses, je dis bien nombreuses et nombreux. C'est moins, j'appuierai moins sur le nombreux, je préfère les nombreuses, voilà. Je sais que vous êtes nombreuses à écouter et... On a une petite pensée parce que figurez-vous qu'une petite surprise vient de nous arriver dans les studios. Nous avons vu débarquer un couple, ah oui, mais pas n'importe quel couple. Et alors les bras bien sûr chargés de... Enfin chargés, tout simplement. Et une pensée nous est venue, tous les trois, une pensée pour la petite Mimi. Et oui, parce que c'est la sœur de la petite Mimi qui est là. Eh oui, avec le petit Jeannot. Eh oui, ah, ça vous fait sourire. Hein? Ah oui, mais si vous saviez le bonheur que l'on a quand on le reçoit comme ça, à l'improviste en plus. Enfin bon, allez, on va arrêter de discuter. Et c'est pour vous, Mimi. C'est rien que pour vous. Hein? Alors, Fanfan, vous le laissez de côté là. Hein? Vous écoutez toute seule. D'accord ? Allez, c'est parti.

Elle avait 16 ans, de jolis yeux rieurs. Le soir à Montmartre, elle vendait des fleurs. Les clients qu'elle savait séduire à ses fleurs préféraient un sourire. Mais pour avoir un sourire plus joli, plus d'un amoureux, le cœur vraiment épris, achetait simplement pour lui dire « Je te désire, jolie Mimi. » Mimosette, jolie brunette, petit brin de mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête. Et je suis heureux quand je te vois. Tes fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton minois. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. À la terrasse d'un grand café le soir, un riche étranger s'est pris de ses yeux noirs et lui dit « Si tu veux, je t'emmène loin de ce grand Paris qui t'enchaîne sur la côte d'Azur au ciel étoilé. » Au vrai pays des mimosas parfumés, tu vivras la vie large et mondaine. Tu seras reine par ta beauté. Adieu les faux serments, les mimosas sont fanés depuis longtemps. C'est fini, ton amant fut volage. À Paris, reviens avec courage. Toi qui n'es qu'une jolie fleur du faubourg, un simple ouvrier pourra peut-être un jour, en t'offrant le bonheur sans partage, te dire en gage de son amour. Mimosette, jolie brunette, petit brin de mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête. Et je suis heureux quand je te vois. Tes fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton minois. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. Joli petit brin de mimosa. C'était Mimosette. Vous en avez croqué un petit bout ? Eh oui, vous savez, la mimosette, il faut faire attention, hein, parce que ça peut être indigeste parfois. Ça, c'est d'ailleurs comme ça, vous savez pourquoi ? Avec la chanson du bonheur. Ah, la chanson du bonheur. Alors là, je vous promets... Non, je vous promets rien du tout, parce que je ne pourrais pas tenir cette promesse. Simplement, écoutez. quelques mots, quelques notes de musique qui dormaient dans mon âme nostalgique. Ce matin sont sortis de mon cœur et voilà la chanson du bonheur. Quelques mots pour te dire mon amour, quelques notes pour le chanter toujours. Ce ne sont que des mots de tous les jours, des bonnes nuits, des bonnes nuits, des bons jours, des bons jours. À ce soir, à ce soir, mon amour, c'est peut-être juste ça, juste ça, bonheur. Le bonheur. Quelques mots sur des notes de musique. La voilà, la formule magique, celle qui change les chagrins et les pleurs en sourire, petite fleur du bonheur. Quelques mots pour te dire mon amour, pour le chanter toujours. Ce ne sont que des mots de tous les jours, des bonnes nuits, des bonjours. À ce soir, mon amour, c'est peut-être juste ça, le bonheur. Le bonheur. Toi et moi, c'est trop court, il fait jour, mon amour. C'est peut-être juste ça, le bonheur. Ah, la chanson du bonheur. C'est un véritable bonheur que d'être sur le 91 et sur le 102. Je voudrais bien vous souhaiter la buona sera, mais façon musicale. Allez, c'est parti. Quand j'entends ces guitares, je revis notre histoire, un tout premier sourire et nos premiers regards. Un vent venu du sud, à la tombée du soir, embrasait nos corps cachés dans le noir. Je me souviens très bien de ton premier baiser, du goût de mon désir quand nous dansions serrés. C'était le paradis au plein cœur de l'été, qui fait tout oublier comme un rêve éveillé. Buonasera, à toi mon espagnol. Buonasera, je ne t'oublierai pas. Buonasera, pour que l'amour s'envole aussi haut que brillent les étoiles. Buonasera, à toi mon espagnol. Buonasera, je ne t'oublierai pas. Buonasera, l'amour s'envole aussi haut que brillent les étoiles. Ton accent si joli quand tu disais mon nom faisait battre mon cœur à perdre la raison. Ta voix plus douce encore qu'un fruit de la passion résonne encore en moi comme une chanson. Je ne parlais pas gitan, mais tu me comprenais. Il suffisait d'un geste ou de venir plus près. C'était notre langage, c'était notre secret. Et ton regard sur moi, je n'oublierai jamais. Bonacera, à toi mon espagnol. Bonacera, je ne t'oublierai pas. Bonacera, pour que l'amour s'envole aussi haut que brillent les étoiles. Bonacera, à toi mon espagnol. Bonacera, je ne t'oublierai pas. Bonacera, pour que l'amour s'envole aussi haut que brillent les étoiles. Allez, préparez-vous pour la Java parce que c'est parti mon kiki. Et une, et deux, et trois. Java. C'est la vraie de vraie, celle qu'on dansait avant la guerre au bal de la glacière. Les Java de maintenant, c'est plus élégant. C'est tout rempli de chichi, bien pour les cavés qui se croient affranchis. Mais nous les voyous, quand nous sommes chez nous, nous dansons toujours sur nos vieux amours. Ah, regardez ça, madame, regardez ça, madame, comme elle est vaste javala. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait par un cresson, pas fait pour les michetons, ni pour toutes ces dames à pognon. C'est nous-mêmes qu'on l'a fait, c'est le vrai de vrai. Pour mieux l'apprécier, venez donc l'essayer avec les frappes au bal de la rue de la Peur. Quel quartier charmant, c'est plein de jeunes gens, tout à l'amour réel et au corps tatoué de serment éternel. En sortant de leurs bras, vous pensez tout bas, sûr que mon mari les a moins gros que lui. Ah, regardez ça, madame, regardez ça, madame, comme elle est basse de javala. On la danse à petits pas, un, deux, trois, comme ça. C'est pas fait par un creuson, pas fait pour les michetons, ni pour les gonzesses à pognon. C'est nous-mêmes qu'on l'a fait, c'est le vrai de vrai. Bien, alors, voyons voir, comme disait l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, parce que là, c'est un sacré problème. Hein. Eh bien, le problème est résolu. On va aller faire un petit tour dans les montagnes, et puis je vais vous présenter Lynn Renaud. Vous la connaissez, cette demoiselle, Lynn Renaud, qui va nous chanter, vous savez quoi? Vous savez quoi? Étoile des neiges. Dans un coin perdu de montagne, un tout petit Savoyard chantait son amour dans le calme du soir, près de sa bergère au doux regard. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. Hélas, soupirait la bergère, que répondront nos parents? Comment ferons-nous? Nous n'avons pas d'argent pour nous marier dès le printemps. Étoile des neiges, sèche tes beaux yeux, le ciel protège les amoureux. Je pars en voyage pour qu'à mon retour, à tout jamais, plus rien n'empêche notre amour. Et quand les beaux jours refleurissent, il s'en revint au hameau et sa fiancée l'attendait tout là-haut parmi

bon, il y a eu quelques mauvais accords, mais bon, c'est pas grave. Celle-ci va être beaucoup mieux. La prochaine, c'est-à-dire California Blue. Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie de l'émission. Et alors là, dans cette émission, je vais vous faire un gros cadeau. C'est pas un quart d'heure que je vais programmer pour le quart d'heure italien, mais c'est bien une demi-heure. Regardez votre montre, hein. C'est parti. Dolce sogno di vent'anni che nel cuor non si dimentica, quante gioie e quanti affanni che l'ebbrezza di quegli anni fa cantare ed anche vivere. si sussurra dolcemente e ti amo ardentemente. Quanti baci provocanti sulle labbra rosse ardenti, poi si giura eterno amor. Vent'anni si vorrebbe strappare dal cielo le stelle che brillano. Vent'anni. Abbracciando le nuvole. Vent'anni, quanti sogni d'amore innocenti che bruciano in fiammano. Sono quegli anni più belli, i vent'anni son quelli che il cuore. Vent'anni son quelli che il cuore ci dà. Dimenticare gli occhi tuoi, tu che mi dici sempre amore mio, ma la parola amor non è per me. So che il tuo cuore pensa a qualcun altro ed è per questo che ti lascerò e poi vivrò felice come prima. E solo un bel ricordo resterà, bugiardo amore, sei senza cuore, mi farai morire, mi farai. Vorrei saper da te come farai a star lontano da chi ti vuole bene, chi ti voleva bene più che mai. Ma son felice adesso di lasciarti, di non vedere più quegli occhi tuoi, quella tua bocca bella e traditrice. Vai dove vuoi ma non pensarmi più, bugiardo amore, sei senza cuore, mi farai morire, mi farai.

gioie e rimpianti conosce l'amore. Il sole dei 50 anni tra gioie e rimpianti le illumina il cuore. Bon, eh bien, ça avance. Hein. Eh oui, ça avance. Et allez, on va laisser tourner le monde. Hein. On va laisser tourner le monde. Allez, c'est parti. Poi nel bisogno cercherai un amico che non c'è. Ah, vivi con spensieratezza, nel domani non vi è certezza. Cogli l'attimo fuggente, vivi con serenità. Lascia andare il mondo come va, tira fuori la passione, fai per gli altri se ti va, tutto e niente ti appartiene e tu lo sai. Nel domani non vi è certezza, cogli l'attimo fuggente, vivi con serenità. Lascia andare il mondo come va, tira fuori la passione, fai per gli altri se ti va, tutto e niente ti appartiene. Lascia andare il mondo come va. Parlar d'amore con una donna che ti fa scoppiare il cuore, che sensazione di euforia che ti rapisce il cervello e vola via. Signore. Che sentimento gioioso e strano se solamente tu le prendi la sua mano, vorresti averla in quell'istante. Vorresti amarla, possederla ancora di più. Voglio ancora ballare insieme a lei. Voglio ancora sognare stretto al suo cuore. Voglio ancora morire